Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va, on va laisser la discussion après l'intervention de la discutante. Donc j'ai le très grand plaisir d'introduire ici Magali Besson, maître de conférence en philosophie à l'université de Rennes 2. Rennes 1, pardon. C'est une erreur. Travaille en philosophie morale et politique, sur la question de théorie de la justice, sur la philosophie des races et également sur toutes les questions de minorité, etc. Donc le travail pertinent en l'occurrence ici, c'est la co-direction avec Michael Biziou d'un très beau volume, Adam Smith, philosophe, de la morale à l'économie, philosophie donc du libéralisme, paru aux presses universitaires de Rennes en 2009. Donc je vous laisse tout de suite la parole pour la... Merci. Pour la discussion. Oui, donc nous sommes deux spécialistes d'Adam Smith qui parlons de quelque chose que nous maîtrisons moins bien. Donc je vous prie moi aussi d'excuser mes insuffisances. Voilà. Alors, je vais revenir sur ce par quoi vous avez conclu ici votre présentation, mais qui dans le texte que vous m'aviez envoyé apparaissait de manière beaucoup plus, apparaissait comme une colonne vertébrale des deux moments que vous venez de présenter de manière un peu disjointe ici de votre texte, c'est-à-dire votre démonstration selon laquelle il y a une discontinuité entre, d'un côté, les textes sur la monnaie et la balance du commerce dans les discours politiques, et d'un autre côté, la théorie de la promesse élaborée dans le traité de la nature humaine. Et vous proposez de lire les réflexions sur la monnaie et le commerce de Hume comme énonçant une thèse économique au service d'une thèse politique, disons de politique étrangère principalement, mais pas seulement, et c'est là aussi la force politique de Hume, mettant en garde contre le nationalisme et l'impérialisme liés à la dette publique, enfin ce que vous venez de rappeler, et y compris de manière interne, visant à promouvoir l'équilibre des pouvoirs. Et d'un autre côté, vous montrez que les réflexions sur la promesse dans le traité ne peuvent pas être interprétées comme une étape dans la voie générale de la construction d'une théorie générale de la monnaie qui ferait de la monnaie un analogue fonctionnel général des promesses. Vous montrez que dans le traité, l'enjeu est tout autre. Il s'agit, à travers la critique de la promesse et la dénonciation de la promesse justement comme un miracle, comme ce mystère de la transsubstantiation, de dénoncer les théories du contrat social, notamment dans leur version hobbesienne. Vous montrez que c'est là l'une des raisons majeures pour lesquelles il n'y a pas chez Hume de théorie de la monnaie. Dans le premier cas, la théorie de la monnaie, au fond, est instrumentale. Elle appuie une intervention politique, et donc l'interrogation conceptuelle sur son fondement est au fond inutile. Et dans l'autre cas, ce qui pourrait lui servir de soubassement théorique, c'est-à-dire la réflexion sur la promesse, au fond, sert un enjeu normatif tout à fait différent, lui aussi de nature politique, qui est la critique du dispositif contractualiste. Et donc, dans ce cas-là, la théorie de la monnaie est sans objet. Donc, au fond, on n'a pas de liaison entre les deux. Donc ça, vous développez donc cette idée et vous montrez, en soulignant cette dissociation, comment, et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais centrer ma discussion, vous montrez comment est construite au cœur de la philosophie politique humienne une ambiguïté, une tension particulièrement lisible dans l'usage délicat qu'il fait de la promesse, de ce miracle de la promesse. Et vous montrez qu'il y a une hésitation entre le souhait de reprendre à son compte la question de Hobbes sur les sources de légitimation du pouvoir politique et d'y répondre autrement que par le dispositif contractualiste, et puis le souhait d'évacuer complètement cette question comme, au fond, nulle et non avenue, en déplaçant le cœur du questionnement sur le politique, sur la question de la stabilité sociale, via la mobilisation de la théorie de la justice comme vertu artificielle, annonçant ainsi, au fond, des théories procédurales contemporaines de la justice. Cette position charnière peut s'interpréter comme la marque de l'inscription de Hume dans la contextualité que Hirschman décrit, c'est-à-dire le moment culminant d'Hirschman dans le mouvement qui amène à saluer dans le capitalisme une force capable de mobiliser certaines inclinations bienfaisantes de l'homme aux dépens de certains de ses mauvais penchants. Donc il fait de Hume le moment culminant de cette tendance. C'est en effet grâce à l'association de l'outil affectif de la sympathie et de l'outil affectif de la sympathie répondant à la violence de l'intérêt particulier et du caractère artificiel de l'institution du gouvernement que Hume propose de construire une théorie de la justice comme convention de coordination. Et j'emprunte l'expression à Léonore Lejallet dans un article publié en 2008 dans Méthodos sur théorie de la justice et idéologie, Hume et Rawls. Et donc vous verrez, c'est pour ça que je pense qu'on peut associer davantage que vous nous le proposez sympathie, enfin naturalité de la sympathie et artificialité de la justice pour construire cette théorie de la justice comme convention de coordination. Chez Hume, au fond, si sa critique du contractualisme hobbesien est fondée, vous montre aussi qu'il ne parvient pas à y substituer quelque chose fonctionnellement un équivalent valide, et il est réduit à faire de la promesse l'équivalent de la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour y répondre. Et donc, ça me permet, à moi en vous lisant, de penser que le contractualisme rawlsien, qui pourrait donc reprendre le visage humien de Hume en réinstaurant un contractualisme, pourrait permettre de dépasser cette difficulté de Hume. Alors, comment Hume répond-il à Hobbes? Vous dites, c'était votre conclusion, que le miracle performatif de la promesse chez Hume est un écho à la proposition célèbre de Hobbes, selon laquelle « Covenants without the third are but words ». Donc c'est le Léviathan, chapitre 17. Chez Hobbes, Hobbes nous dit « La force des mots, je cite Hobbes donc pour le coup au chapitre 14, « La force des mots étant trop faible pour contraindre les hommes à exécuter leurs conventions, il n'y a dans la nature de l'homme que deux remèdes imaginables pour leur donner de la force. Ce sont soit une crainte de la conséquence du manquement à sa parole, soit la fierté, l'orgueil de ne pas paraître avoir besoin de ce manquement. » Fin de citation. Dans l'état de nature, aucune passion, dit Hobbes, pas même la crainte des conséquences, n'est assez forte pour brider les passions qui poussent à ne pas respecter sa promesse, c'est-à-dire la cupidité, l'ambition, etc. Personne dans l'état de nature ne peut rationnellement prendre le risque de s'engager dans une promesse parce que ce serait contraire au droit naturel qui prescrit de défendre sa vie. Le mouvement n'est pas rationnel. Dans l'état civil, la fierté, l'orgueil, la passion qui correspond à l'orgueil de ne pas manquer à sa parole, est une grandeur d'âme, dit Hobbes, qui ne se rencontre que rarement, et il précise, surtout chez ceux qui poursuivent la richesse et l'autorité ou le plaisir sensuel. Donc dans l'état civil, seule la crainte peut faire respecter sa promesse, et la crainte, comme on sait, est incarnée par l'État, par le pouvoir institué précisément pour faire respecter sa parole. Mais dans ce cas, ce n'est pas le pacte lui-même qui crée l'obligation, mais le pouvoir institué. Et donc Hume a beau jeu de dénoncer la discontinuité entre le plan de l'état de nature et le plan de l'état civil chez Hobbes. Il n'y a pas de promesse possible au moment du contrat social originaire. Le pouvoir est logiquement requis pour donner du sens à la promesse, alors même que la promesse devrait instituer le pouvoir. De plus, donc ça c'est la critique très classique, il y a une autre critique que vous mentionnez également, à l'état civil, chez Hobbes, le système de respect de la promesse repose sur une centralisation, une efficace maximale du pouvoir politique, dont la coercition doit être immédiate, visible, assurée, parfaitement internalisée par ceux qui seraient susceptibles de faire preuve de déloyauté. Outre que dans les sociétés de grande échelle, c'est difficile à assurer sans faille, il n'est pas sûr qu'une telle mise en place de la crainte des représailles, en cas de défection, soit théoriquement cohérente, puisque généraliser ainsi la crainte risque d'entraîner des effets secondaires, potentiellement déstabilisants sur le moyen ou le long terme, du pouvoir lui-même. L'équilibre social semble donc requérir d'autres moyens que la seule coercition pour se maintenir, un engagement positif de la part des membres de la société à respecter les normes de justice. Et ce faisant, Hume est amené à reposer la question hobbesienne: si l'association rationalité-crainte ne fonctionne pas, pourquoi obéit-on aux lois? Pour répondre à cette question, il récuse la théorie du contrat et propose une autre genèse de la vertu de justice, Notre attachement aux règles de justice s'explique par une mutation de notre sentiment, de notre intérêt individuel, mutation effectuée dans et par la durée de collaboration répétée, renforcée et stabilisée par l'institution du gouvernement. Il hérite donc de la question de l'obligation de l'obéissance, mais la modifie ainsi, et je reprends votre formulation, la question est de savoir pourquoi nous avons le sentiment de devoir obéir aux lois, y compris lorsque nous sommes ce que vous appelez des fripons sensés, c'est Gautier. Et donc, d'accord, et des freeriders, pourrait-on dire, aujourd'hui. Cette reformulation par une approche sentimentale permet à Hume de récuser les théories contractualistes sans pour autant proposer une théorie de la justice naturaliste. Le traitement sentimental de la question vise aussi, et là aussi on retrouve Hirschman, à comprendre le fondement de la loyauté à l'égard de l'Angleterre et donc de trouver, comme le dit Hirschman, un moyen d'éviter l'effondrement de la société. Alors il me semble que ce déplacement sur le sentiment d'obligation ouvre la porte à un mouvement historique d'évacuation de la question de la légitimation du pouvoir politique dans sa dimension de contrainte. Il s'agit d'éliminer le glaive, l'épée, il s'agit d'éliminer la coercition de l'équation. Et c'est en cela que Hume se situe à un moment crucial de la lignée généalogique tracée par Hirschman. Son questionnement appartient encore à la question classique de la légitimation du pouvoir, mais sa solution annonce déjà la suite. Ce qui est ouvert par Hume, on peut en voir l'aboutissement chez Rawls. D'un côté, pour ce dernier, les institutions politiques, lorsqu'elles sont vertueuses, c'est-à-dire justes, semblent investies d'une rationalité immanente qui permet de les limiter, autant que faire se peut, à l'administration de la distribution des biens sociaux, les éloignant autant que possible de toute action coercitive ou répressive. Et d'un autre côté, la procédure, toujours chez Rawls, la procédure de construction des principes de justice est associée au motif moral du sens de la justice, qui prend de l'ampleur dans le second rôle, ce qui est essentiel à la stabilité de la société. Voir le paragraphe 42 de la théorie de la justice, où la répression est, enfin, Rawls estime que la répression est tout de même inévitable. Mais chez Hume, comme chez Rawls, à la différence de chez Hobbes, la construction d'un sentiment au sens de la justice permet de passer d'une coopération par coordination à un ordre social fondé sur des règles instituées. Et je renvoie ici à l'article d'Éléonore Lejalley déjà cité et à l'article de Céline Spector paru récemment dans Raison publique, « Le sens de la justice, une utopie réaliste ». Alors comme je l'ai mentionné, je trouve que sur ces points, et sur l'établissement de la lignée Hobbes-Hume-Rawls, votre texte est particulièrement lumineux et il apporte un certain nombre de points qui me semblent nouveaux. Dans le temps qui me reste, je voudrais revenir sur deux, peut-être trois points, si j'ai le temps, on verra. D'abord, vous écrivez qu'il est facile de reconnaître, je vous cite, en la promesse, la forme morale de la relation de la causalité. Alors je me demandais si la promesse ne pouvait pas s'envisager aussi comme, ou plutôt comme, une forme morale de la croyance. Quel est l'intérêt de parler de croyance plutôt que de causalité? Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans la mesure où la croyance se manifeste avec la plus grande évidence dans la relation de causalité, il peut sembler que je pinaille ici, mais la croyance, pour Hume, c'est donc un sentiment de force ou de vivacité. Il écrit « La croyance n'est rien d'autre que la vivacité des perceptions que la mémoire et l'essence présentent. Elle permet notre assentiment sur certaines choses et elle se définit par une manière de concevoir. C'est un sentiment de l'esprit qui permet de former une conception plus intense ou plus stable. L'intérêt donc de penser la promesse comme une croyance, c'est de faire de la promesse non pas d'abord une relation entre deux individus ou deux objets, comme la causalité est une relation, mais un état d'esprit. C'est ensuite d'insister sur la capacité de mutation qu'a la promesse d'une idée en impression, c'est-à-dire au fond de création d'un sentiment. Et c'est quasiment faire de la promesse elle-même un sentiment performatif. La promesse, comme la croyance alors, est un état d'esprit qui nous pousse à acquiescer, produisant en quelque sorte la réalité en vue, c'est-à-dire promettre, c'est renoncer à la présomption de la malhonnêteté d'autrui et ce faisant faire advenir la justice comme avantage mutuel. Donc voilà, en cela, c'est la raison pour laquelle il me semble que rapprocher promesses et croyances permet de donner des clés de compréhension de comment se produit justement ce sentiment d'obligation. De plus, et ça touche ce que je dirais par la suite, ça me permet, enfin je pense que ça permet aussi de relier indirectement la promesse à la sympathie. La sympathie, on le sait chez Hume, est l'analogue de la croyance, puisqu'elle aussi fournit aux idées une vivacité supplémentaire, modifie les valeurs d'intensité de l'idée. Or, la sympathie est la source de l'évaluation positive que nous faisons de la justice, c'est-à-dire l'opérateur moral qui nous porte à considérer que la justice est une vertu. C'est par sympathie que nous nous tournons vers la considération du bien commun, alors même, comme vous l'avez rappelé, que l'intérêt individuel est la passion peut-être la plus violente et que la passion d'enrichissement est par ailleurs dévastatrice du lien social. C'est la raison pour laquelle il faut opérer un rééquilibrage qui s'effectue soit en atténuant la violence de l'intérêt particulier, soit en augmentant celle de l'intérêt général, grâce à la répétition par la sympathie du déplacement de notre centre de gravité vers autrui. Donc penser la promesse comme une forme de croyance permet d'insister sur la mise en intensité de l'échange intersubjectif qui se produit dans et par la parole et qui peut participer à la création du sentiment d'obligation. Et donc deuxième et sans doute second point dans la foulée, je n'opposerai pas aussi radicalement que vous le proposez naturalité de la sympathie et artificialité de la justice, parce qu'il me semble que les deux dimensions sont nécessaires pour comprendre sur quelle base logique et anthropologique se fonde le politique chez Hume. La justice est une vertu artificielle en ce que, donc et en cela elle s'oppose au naturel, mais non pas en ce que le naturel s'oppose à l'inhabituel ou au miraculeux. Tout le monde éprouve, comme vous le rappelez, un sentiment de justice. La croyance que la justice est une vertu n'est pas rare, quoique elle est en tout cas très générale, quoique les formes instituées de justice puissent être variables. Donc en soutenant que la justice est artificielle, Hume veut montrer que les seuls fondements pour notre approbation de la justice reposent sur l'utilité sociale. La justice est le produit de la convention au sens d'une conscience construite socialement de l'intérêt commun. Pour approuver un acte comme étant juste, nous avons besoin de connaître le système conventionnel dans lequel s'inscrit cet acte, ce qui n'est pas nécessaire pour approuver une vertu naturelle. Il faut donc connaître les circonstances de l'action juste, le système général et la pratique sociale à laquelle elle renvoie. Mais que la justice soit artificielle ne la détache pas de la nature humaine. Le motif original de l'établissement de la justice est la passion de l'intérêt particulier qu'il faut parvenir à rediriger, à contrôler, à altérer pour qu'elle serve l'intérêt commun au lieu de le détruire. Or, ce risque de destruction semble pour Hume sans cure, car la cure ne peut venir que du consentement des hommes, dit-il. Or, les hommes ne consentiront pas à s'obliger à viser une fin lointaine qu'ils ne perçoivent pas, c'est ce que vous nommez la conception ophtalmologique du gouvernement. Ne voyant pas la fin, ils refusent les moyens, donc ils ne visent pas la fin, et la théorie contractualiste repose sur l'ignorance de ce cercle vicieux, la méconnaissance de ce cercle vicieux. La raison seule ne peut pas non plus nous permettre de résoudre la question, puisque la raison n'est pas un principe d'action. La réponse de Hume repose donc sur deux points. Puisque on ne peut changer les hommes, il faut changer les circonstances, ce qui est possible pour un petit groupe de dirigeants politiques, pour lesquels l'intérêt public peut en effet apparaître comme leur intérêt privé, puisque le respect général des promesses, le respect général des conventions et le respect des lois les avantages puisqu'il les maintient dans leur position privilégiée. Et c'est là l'origine du gouvernement institué pour Hume. À l'institution étatique s'ajoute un élément supplémentaire qui permet de stabiliser le système dans la durée, une régulation interne au fond du sentiment moral, ce que Hume appelle la sympathie étendue par opposition à la générosité limitée. L'intérêt particulier est corrigé par cette régulation morale, puisque la sympathie déplace les points de vue par l'imagination. Ainsi, si la sympathie est évidemment un mécanisme partial, elle nous apprend à corriger nos sentiments en négligeant notre situation actuelle. Elle permet l'évaluation morale qui requiert, elle, de considérer la situation d'un point de vue général, qui requiert d'adopter le point de vue de l'humanité. L'artifice de l'institution gouvernementale est donc indispensable, mais il ne fonctionne pas tout seul. La régularité qui naît de la convention sert à renforcer une tendance affective qui existe dans la nature humaine et qui porte à considérer que la justice est une vertu, c'est-à-dire quelque chose qui est approuvé moralement, et cela est permis par la sympathie, y compris si elle est partiale. Donc un troisième et dernier point, vous avez très rapide, en une phrase, vous avez mentionné que Hume ne pose pas la question du respect que nous nous faisons aux promesses que nous nous faisons à nous-mêmes. Vous dites, mais c'est moi qui lui pose cette question. Il me semble que si Hume ne pose pas cette question-là, c'est en raison de sa manière de considérer le moi comme justement un moi multiple où la question de l'unité, y compris dans la temporalité, ne peut pas être facilement posée. Donc il me semble que s'il posait cette question-là, ça affaiblirait la force de la promesse dans le cadre social. Voilà. Merci.